inspiration et inhérence de la Bible. J'ai un transparent, mais je n'ai pas de photos, je n'ai pas de petits chants comme pour les enfants, n'est-ce pas? C'est sérieux. Je pense que, non pas que les autres choses n'étaient pas sérieuses, hein, comprenons-nous. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, et puis je vais essayer de répondre jusqu'à un certain point à ces questions. J'aimerais bien dire que je suis content d'être là, de vous voir. Enfin, ça gêne un petit peu, mais enfin, je vous vois, et puis je suis content aussi que mon épouse soit là avec moi. Elle ne devait pas venir. Elle voulait être avec les jeunes à Arras. Alors, elle aurait eu sa place, malgré son âge. Grand-maman, arrière-grand-maman. Mais enfin, elle a décidé de venir avec son jeune mari. Et puis, comme ça, n'est-ce pas, on est ensemble et ça, c'est très bien. On va lire quelques versets dans la Bible, mais j'aimerais bien d'abord vous féliciter de faire une série de sujets qui ne sont pas peut-être les plus faciles, mais enfin, pour instruire les chrétiens qui sont ici et puis les autres personnes qui peuvent venir. Ce n'est pas très souvent qu'on trouve cela, surtout le dimanche matin. Quelquefois, enfin, chez nous, n'est-ce pas, c'est David Sutherland qui, une fois, le soir, avec les jeunes, a parlé de l'inspiration de la Bible ou d'autres sujets comme cela. Et bon, c'était bien. Mais le faire le dimanche matin, c'est autre chose, et c'est très bien, parce que je crois que justement, il faut parler, il faut aborder ces sujets qui sont un petit peu compliqués peut-être, mais je vais essayer de le rendre aussi simple que possible. Alors, si on parle de l'inspiration de la Bible, c'est parce qu'il en est question là-dedans. Il en est question ici dans le texte, et je vais vous inviter à trouver un texte, même deux, 2 Timothée au chapitre 3, et le verset 15 et le verset 16. C'est un verset de base. Et puis après ça, encore un autre verset, et puis un texte où nous lisons au sujet d'une partie de la Bible qui a été écrite. Nous avons un chapitre qui est précieux en Jérémie et qui parle de cela. Mais d'abord, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 3, Paul parle à Timothée, qu'il connaissait bien, et il dit que depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, la Bible. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Et puis il ajoute cette parole, toute l'écriture ou toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Mais c'est ces premières paroles, toute écriture, et c'est toute l'écriture, toute la Bible, est inspiré de Dieu et utile. Alors, l'autre verset, qui est aussi très important, c'est en 2 Pierre, quelques pages plus loin, juste après la lettre aux Hébreux, 2 Pierre, au premier chapitre, et à la fin, nous avons 2 versets encore qui abordent ce sujet de l'inspiration de la Bible. Avant tout, écrit Pierre, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. C'est un avertissement. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas expliquer de n'importe quelle façon les paroles de l'Écriture. Pourquoi? Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Toute la Bible est une parole prophétique dans ce sens-là. Et alors Pierre dit, mais ce n'est pas par une volonté humaine que ces prophéties, cette prophétie, la Bible, a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et par la suite, surtout pour les prophètes, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont parlé, était écrit, était conservé, et nous avons notre Bible aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais vous inviter à lire avec moi Jérémie chapitre 36. Oh, c'est un peu dur. Il y a des noms à coucher dehors, mais les deux personnages ou trois personnages principaux, c'est Jérémie, le prophète, son scribe, Baruch, et puis, en troisième plan, un roi, un des derniers rois de Juda, qui s'appelle Josiakim. Alors, Jérémie 36, premier verset. La quatrième année de Josiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Prends un livre en rouleau. » Ce n'était pas un livre comme nous avons, n'est-ce pas, avec nos pages. Ça, c'est le codex. Mais c'était des rouleaux. J'ai amené ici, j'aurais voulu trouver un plus grand, mais ça, c'est un tout petit. Vous pouvez le voir, les rouleaux étaient comme cela, écrits. J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers. Si, je l'avais mis à l'envers. Ah, oui. Voilà. Hein? Ça ne va pas. Et alors, c'était du parchemin, ou ici, probablement du papyrus, on ne sait pas, ce détail n'est pas donné pour le support, mais alors on écrit en colonne. Et alors, le système était de préparer ce livre en rouleau, et puis, le Seigneur dit à Jérémie, « Tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à aujourd'hui. » Ben, ça faisait un bon chapitre, hein? Beaucoup plus long que ça, je ne sais pas, ça devait être plusieurs mètres de long. Il a préparé cela, et puis il ajoute, verset 3, « Peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je pense lui faire, de sorte qu'ils reviendront chacun de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai le faute et le péché. » Les prophéties de Jérémie étaient comme conditionnelles. C'est-à-dire que s'il y avait un changement dans le cœur de ces personnes, de ceux qui écoutaient, alors les jugements pourraient ne pas tomber sur les gens d'Israël, enfin les Israélites et puis les gens de Juda et Jérusalem. Alors, verset 4, nous venons à l'action. Jérémie appela Baruch, fils de Nerija, allant sous la dictée de Jérémie. À propos, c'est intéressant, cet homme Baruch, c'était quelqu'un, c'était un scribe, on a trouvé même une impression de son sceau. En faisant des recherches archéologiques là-bas, à Jérusalem, on a trouvé cette impression, non pas le sceau lui-même, mais impression sur de l'argile, et c'est marqué Baruch, fils de Nerija. Donc c'était un personnage qui était connu. Et alors, ensemble, Jérémie et Baruch, sous la dictée de Jérémie, Baruch transcrivait dans un livre en rouleau toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré probablement une semaine, moi je pense. Heureusement que Baruch savait faire des dictées. Les dictées, peut-être quand on est petit en classe, on ne les apprécie pas de trop, mais enfin, Baruch, il avait bien appris à faire des dictées et ça a bien marché. Puis après, verset 5, Jérémie donna cet ordre à Baruch, « Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel, au temple. Tu iras toi-même, et tu liras dans le rouleau ce que tu as écrit sous ma dictée, les paroles de l'Éternel, en présence du peuple, dans la maison de l'Éternel, un jour de jeûne. Tu les liras aussi en présence de tous ceux de Juda qui seront venus de leurs villes respectives. Peut-être leur supplication parviendra-t-elle devant l'Éternel, et reviendront-ils chacun de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur que l'Éternel a exprimée envers ce peuple. Baruch, fils de Nerija, fit tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Alors ça devait durer un certain moment. On va pas lire tout le chapitre parce que c'est un peu long, il a d'autres détails, mais par la suite, il y avait, il semble-t-il, un homme plutôt jeune, parce que c'était le fils d'un des hommes qui sont mentionnés par la suite dans ce chapitre, qui est allé auprès du roi Josaphat, et puis il a proposé que ce rouleau, que ces paroles de Jérémie soient lues en sa présence. Et ça s'est passé. Verset 20. Ils allèrent ensuite à la cour vers le roi, laissant le livre en dépôt dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en révélèrent toutes les paroles en présence du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le rouleau. Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut en présence du roi et en présence de tous les ministres qui se tenaient auprès du roi. C'était pas le mercredi matin comme on fait à l'Élysée aujourd'hui, hein, avec Nicolas Sarkozy et les ministres, mais c'était à un autre moment. Et le roi était assis dans son palais d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasereau brûlait devant lui. Et voilà ce qui est terrible. À mesure que Jéhudi lisait 3 ou 4 colonnes, hein, les colonnes que vous avez vues sur le petit rouleau ici, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasereau, jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Ainsi le roi et tous les serviteurs qui entendront toutes les paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas le vêtement. Pourtant, Elnathan, Delaïa et Gemaria avaient prié avec instance le roi de ne pas brûler le rouleau. Mais il ne les écouta pas. Je crois qu'on va arrêter la lecture là, mais sachez que par la suite, Jérémie et Baruch devaient recommencer. Alors, je dirais comme ça, encore une semaine, peut-être davantage, une semaine de travail. Et puis il y avait d'autres paroles qui étaient écrites, et une parole particulièrement adressée à Josaphat, au point de vue de sa mort et son enterrement. Il n'allait pas en avoir. Son cadavre était exposé comme le cadavre d'un âne. Pas d'enterrement du tout, rien. Et c'était la punition qui était très grave pour un roi. Parce que les rois, n'est-ce pas, ils se faisaient tailler des sépulcres dans la roche, ils préparaient cela très bien, et alors son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Et il a terminé ses jours comme cela, parce qu'il avait découpé la parole de Jérémie, la parole de Dieu, et il avait brûlé. Mais peut-être que la chose la plus importante pour nous, en rapport avec cela, c'est cette question d'avoir vu comment une grosse partie de Jérémie était écrite. Il y avait une préparation, le rouleau du livre. Jérémie est allé voir Baruch, il l'a trouvé, il l'a amené, et puis il faisait le message, Jérémie, et Baruch, il copiait la parole. C'est intéressant. C'est intéressant. Nous avons, dans le Nouveau Testament, quelques petits détails au sujet de certaines lettres. Il y a aussi pour Paul, un secrétaire, et Paul, il dictait. Sauf pour Galate, il semble qu'il a écrit là lui-même. Mais concernant les autres parties de la Bible, nous ne savons rien exactement comment ça s'est passé. pour l'évangile de Jean. Jean est là dans la Bible, Luc aussi, Marc, Matthieu. Bon, on ne sait pas les détails, on ne connaît pas. Mais ici, concernant Jérémie, on a quand même une bonne description de comment une partie de la Bible était écrite. Quand on parle de l'inspiration de la Bible et de l'inhérence, on parle de sujets extra-bibliques. Extra-bibliques, parce que nous avons si peu de détails dans la Bible. Ici, c'est exceptionnel, hein, Jérémie chapitre 36. Et alors, concernant l'inspiration, comment la Bible était inspirée, et puis aussi cette question de l'inhérence, on va l'expliquer dans deux instants. Bon, c'est plutôt spécial. C'est pour les instituts bibliques, quelquefois pour les expositions sur la Bible, Jean-Jacques. Hein? On peut traiter des sujets comme cela parce qu'il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas la Bible, et qui s'intéressent. On n'a pas beaucoup de peine à comprendre le terme « inspiration ». D'ailleurs, Philippe en a dit deux, trois mots, mais on connaît tous ce moment où il faut écrire une lettre et puis on ne se sent pas inspiré. Ou quand on était en classe, on devait faire une dissertation, ça ne venait pas, ça ne venait pas, pourquoi ça ne venait pas? Eh bien, je ne me sens pas inspiré. Et en même temps, on reconnaît l'inspiration au niveau humain quand on lit un texte, par exemple, de Victor Hugo. Quand on lit, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, cet homme qui s'engouffre dans les sables mouvants. Ah ben, on ne peut pas lire ça sans être mouvant aussi, enfin, ému. Hein? On se rend compte, sa description, il y a une force dans les paroles. Et on dit, eh ben, Victor Hugo, hein, il était bien inspiré quand il a écrit ça. Et c'est ainsi pour d'autres textes. Il y a quelquefois ces phrases de Shakespeare, c'est un poète anglais du 17e siècle, mais juste dans quelques mots, n'est-ce pas, on sent l'inspiration. Il y a une certaine force. Mais l'inspiration biblique est autre chose. Mais d'abord, puisqu'on va parler de l'inhérence, j'aimerais bien expliquer ça. Inhérence, c'est plutôt baba comme terme. Et puis, il y a aussi un autre inhérent. On parle des qualités inhérentes de quelqu'un. Et ce n'est pas en rapport avec l'inhérence. On pourrait dire concernant notre président, hein, que c'est écrit comme ça, n'est-ce pas, ses voyages font partie inhérente de son mandat. Cet homme, il ne peut pas rester sur place, vous êtes d'accord, hein. Il est à droite et à gauche, il est outre-mer, il est en Afrique, il revient en Europe, il est en Allemagne, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est quelque chose qui lui est inhérent, il va voyager. Mais l'inhérence, ça veut dire autre chose, on va y venir, mais disons, c'est en rapport avec le mot « erreur ». Inhérence, il n'y a pas d'erreur. Alors, on a ces deux choses, inspiration et inhérence. Inspiration biblique est autre chose que l'inspiration qui venait dans le cœur ou dans la pensée de Victor Hugo et d'autres écrivains. Et si on parle de l'inspiration, et il faut bien en parler, c'est parce que la Bible se dit inspirée. Et on aimerait bien savoir ce que cela veut dire. Et ce n'est pas seulement ce chapitre, mais comme Philippe a fait référence tout à l'heure, combien de fois cette expression « ainsi parle l'Éternel », ça donne un cachet à la Bible. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Mais alors, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens étaient en rêve? Est-ce qu'ils n'étaient pas tellement bien sur la terre, et puis une vision ou quelque chose, ils ont vu des paroles flotter devant le jeu à moitié fermé? Je ne crois pas qu'on peut penser comme ça. Je pense que c'était une affaire, j'allais dire, c'était spirituel, mais aussi assez naturel. J'essaie d'expliquer comme ça. Dieu a expiré, On comprend bien expirer, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de quelqu'un qui a expiré, n'est-ce pas? Il est mort. Mais Dieu a expiré, il a soufflé. Et il a soufflé des paroles. Et à travers à peu près 1500 ans, il y a une quarantaine de personnes, les auteurs des différents Bibles, différents livres de la Bible, qui ont su capter la parole qui venait de Dieu. Ils l'ont capté, ils l'ont compris, ils ont inspiré en quelque sorte cette parole, et après ça, ils l'ont expiré dans le sens de souffler à l'autour, ou ils ont parlé, ou ils ont écrit. Et c'est là comment je vois la mécanique de l'inspiration. Dieu, dans le ciel, il expire, il souffle, son esprit, et le mot grec pour esprit est aussi le mot vent, il s'agit vraiment de souffle, mais c'était des paroles qui sont venues, et les hommes, on les a captées, et puis après cela, ça a été écrit. Et puis, aussi, et c'est ça qui est important, c'est que les destinataires de cette parole, ils ont reconnu que ce n'était pas une parole d'homme, mais c'était une parole de Dieu. Et ça a été conservé. Autrement, il n'aurait pas conservé. Il n'aurait pas copié, recopié, etc. N'est-ce pas? Ben, oui, il a parlé comme ça, mais enfin, on va oublier ça. Mais non, ils ont dit, ça, nous devons le garder, nous devons le conserver. Et c'était du boulot. Je trouve intéressant de voir que même des hommes méchants, des hommes qui étaient contre Dieu, ont reconnu la force de l'inspiration. L'exemple dans notre chapitre, c'est Joachim. Pourquoi il a découpé ça? Eh bien, parce que ça parlait. Ça parlait de la part de Dieu. Il se sentait condamné. Il ne voulait pas. Et comme si, n'est-ce pas, en brûlant une partie de ce rouleau, on pouvait faire disparaître la parole de Dieu. Enfin, il était bien attrapé parce que la machine s'est remise en route par la suite. Jérémie a refait la dictée, Baruch, il a tout copié, avec encore d'autres paroles, et puis une parole spécialement contre Joachim. On ne peut pas détruire la parole de Dieu. Mais cette force d'inspiration est intéressante parce que, par exemple, du temps de Jésus. Il parlait, il avait les pharisiens, il avait les sadduciens qui étaient là, les scribes, les docteurs de la loi. Et alors, tant de paroles dans l'Ancien Testament, parce que les Juifs, ils n'avaient que l'Ancien Testament, étaient contre la façon hypocrite dont ces personnes vivaient. Mais ils ont gardé quand même ça. Ils n'ont pas dit, eh ben, on va balayer ça, n'est-ce pas? Ils devaient le garder. Et ils sondaient les Écritures. D'ailleurs, Jésus les a encouragés à le faire, sonder les Écritures. Ça, c'est la force de l'inspiration. Alors maintenant, quelques mots concernant l'inhérence. Alors, je le redis de nouveau, ça vient du terme « erreur ». Errance, si l'on veut, mais errance, ça veut dire autre chose, et inhérence. C'est-à-dire que ça ne divague pas, il n'y a pas d'erreur, elle est une parole vraie. Comment on peut reconnaître, comment on sait que la Bible est une parole inhérente? Il faut dire que nous y croyons, hein. Souvent, on dit comme ça, quand on rend témoignage, vous savez, ça, c'est la parole de Dieu, hein, et il n'y a pas d'erreur dedans. Elle est vraie, elle est toute vraie. Et nous faisons bien d'insister là-dessus. Et souvent, les gens reconnaissent encore, j'allais dire pratiquement automatiquement, l'autorité de la parole de Dieu. Moi, j'ai vu des jeunes chrétiens, mais vraiment très jeunes, je me souviens d'un gars qui était un peu rustre, on peut dire cela, dans la ville d'Arras, qui avait trouvé le Seigneur et qui le suivait, pas de très près, mais il était convaincu que la parole disait vrai. Il était jeune, il n'avait pas entendu parler de l'inspiration ou l'inhérence de la Bible, mais le Saint-Esprit a fait quelque chose dans son cœur, il a reconnu la véracité de la parole de Dieu. Mais au fond, qu'est-ce qui est vrai? Je dis ça, voilà la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est toute vraie. C'est ça qui est vrai? Eh bien, je le crois. Je n'ai pas une hésitation, je n'ai pas à dire ça. Mais au fond, quand je regarde la première page, la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Eh bien, elle était traduite, puis par la suite, bien sûr, imprimée, mais puisque c'est une traduction d'autres choses, des textes originaux hébreux et grecs, ben, c'est peut-être plutôt les textes originaux hébreux et grecs qui sont inhérentes. Et alors, j'accepte ça, mais attention, nous n'avons pas le texte, le premier texte que Baruch a écrit de Jérémie. C'est perdu. Oui, vous dites, oui, c'était brûlé. Oui, enfin, là, alors, la deuxième texte, qui devait être semblable, nous ne l'avons pas. Et c'était cette parole-là, ce qu'on appelle l'autographe, la rédaction première, qui était entièrement inspirée du Saint-Esprit. Et ce sont des personnes, d'abord le peuple juif, pour l'Ancien Testament, et puis après ça, c'était des chrétiens, qui ont copié et qui ont recopié maintes fois cette parole. Et peut-être dans ces écrits, et nous allons voir ça à la fin du mois, quand on parlera de la transmission de la Bible, dans ces copies, il pourrait y avoir des erreurs. Il pourrait y avoir des erreurs, parce que l'erreur est humaine. Mais la première rédaction, les autographes, nous croyons, la Bible le dit, que c'est entièrement inspiré de Dieu et que c'est une parole donc vraie. Pourquoi on a insisté là-dessus? Eh bien, parce que, encore une fois, c'est la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Un point, c'est tout. Il ne peut pas mentir, il ne va pas nous donner une parole qui est fausse. Et cette première parole, elle était 100% vraie. Et à cause de cela, nous parlons de l'inspiration et l'inhérence de la Bible. L'inspiration qui est verbale, ça veut dire les mots, est plénière. Est plénière. Je vais vous livrer une petit truc. Il y a un livre de la Bible qui a des erreurs grammaticales. Nous ne les voyons pas parce que c'est bien traduit. Mais il s'agit de l'Apocalypse. L'Apocalypse, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que les sujets des visions étaient difficiles? Est-ce qu'il avait une autre raison? Est-ce que celui qui copiait, si Jean a décrit, l'apôtre Jean a décrit les visions qu'il avait vues, est-ce qu'il ne savait pas très bien écrire? Peut-être même Baruch, il était scribe, mais peut-être il a fait quand même quelques petites erreurs. Mais ça n'a pas d'importance, même ces erreurs, nous les acceptons, comme étant une parole vraie. Vous savez, quand vous recevez des lettres, surtout aujourd'hui des courriels, qu'est-ce qu'il y a comme erreur là dans les courriels? Pour ne pas parler des textes textos, je ne sais pas les lire. Enfin, je reçois quelquefois des paroles comme ça, n'est-ce pas? Et je passe tout mon temps à les lire, n'est-ce pas? Mais on les lit, on comprend, n'est-ce pas? Ça ne bouge pas, en quelque sorte. Ça, c'est pas troublant. On peut les comprendre. Et nous pensons, comme cela, que même s'il y avait un petit mot à travers de la plume de Baruch, ça n'a pas d'importance, et c'est toujours la bonne parole qui est vraie, la parole de Dieu. C'est une révélation divine qui est venue de sa part. Et il a des attaques. Il faut que j'en dise quelques mots, surtout concernant l'inspiration, mais aussi l'inhérence. Il y a toujours eu des personnes qui ont été contre la parole de Dieu, vous savez. Dans les premiers siècles, il y avait quelqu'un qui était très fort pour critiquer la parole de Dieu, un dénommé Cels. On n'a pas de détails au sujet de ce qu'il a dit, sauf par quelqu'un qui était chrétien, un dénommé Origène, qui a répondu en quelque sorte aux arguments de cet homme Cels. Bon. Mais depuis, et encore aujourd'hui, il y a toutes sortes de critiques concernant cette parole. Il y a des personnes, par exemple, qui disent « Oui, la Bible, elle est très bien, c'est une parole inspirée, mais comme Victor Hugo, ou comme Shakespeare, ou comme quelqu'un d'autre, mais quand même, on reconnaît que ce qu'elle dit de Dieu est vrai. » Il y a des personnes qui disent « Mais le reste, n'est-ce pas, toutes les histoires, au sujet des guerres, la partie historique, etc. Non, on ne peut pas accepter ça comme étant une parole de Dieu. » Et puis il y a d'autres gens qui vont un peu plus loin, disent, mais c'est surtout ce que Jésus-Christ a dit qui est vrai, qui est inspiré, qui est la parole de Dieu. Alors comment on sait ce qui est vrai même dans les paroles de Jésus? Jésus a parlé de l'enfer, il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer, les peines éternelles, Jésus en a parlé plus que les autres, n'est-ce pas? Alors, les personnes, ils sont capables de dire, mais ça, ce n'était pas vrai. Et ils commencent à disséquer la Bible, à le couper en morceaux, non pas même peut-être pour le brûler, mais pour le critiquer. Et puis, finalement, on ne sait plus. Si on n'accepte pas l'ensemble comme étant la parole de Dieu, eh bien, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a d'autres gens qui disent, oui, bon, d'accord, n'est-ce pas, la rédaction première, les autographes, c'était vrai, mais ça a été vraiment mal transmise à travers les siècles. Nous allons en parler d'ici quelques semaines, mais c'est aussi ce que disent les musulmans. Ils disent qu'il y a quelque part, je ne sais pas le nom du lac, qui se trouve en Turquie, qu'à un moment donné, n'est-ce pas, les vrais évangiles étaient jetés dans le lac et puis on en a fabriqué d'autres. Je ne connais pas trop bien cette histoire, mais je sais que quand on parle des évangiles avec les musulmans, s'ils connaissent un tout petit peu leur religion, ils sont très capables de sortir cela. Ça a été limogé, n'est-ce pas, on ne voulait pas le garder et puis ils ont écrit autre chose. Et puis aussi, n'est-ce pas, il y a cette pensée que les auteurs, ils ont mal compris ce que Dieu leur a soufflé. Et alors, bon, je dis de nouveau, l'erreur est humaine, alors on ne peut pas compter dessus. Et d'autres encore, n'est-ce pas, ils disent, la parole de Dieu est inspirée, mais inspirée quand elle te parle. Nous savons ça, n'est-ce pas, que quelquefois, il y a dans notre lecture de la Bible, il y a un verset qui, on dit souvent, ça sort de la page, ça te frappe plein dans le cœur ou dans la tête. Et nous connaissons ça. Une parole peut-être qu'on a lue plusieurs fois, peut-être même des centaines de fois, mais elle ne l'avait pas reconnue avant. Et nous disons, ben voilà, ça c'est la parole de Dieu pour moi, pour aujourd'hui. Et on a raison de parler comme cela. Mais il y a des gens qui disent, elle n'est inspirée, la Bible, que quand elle parle à ton cœur. Il y a tout un système, j'allais dire, de néo-orthodoxe, on les appelle, il y a Karl Barth, il y a Bultmann, il y a Brunner, et puis d'autres théologiens, il faut quand même les appeler les théologiens parce que c'était des gens calés, mais ils disent cela. Et c'est une attaque de Satan pour détruire justement l'autorité de la Bible. Et puis il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui refusent la Bible à cause de son langage, en disant, mais enfin, on voit que quand on parle des quatre coins de la Terre, ben on sait très bien que la Terre n'est pas plate, elle est ronde, n'est-ce pas? Oui. Mais ça, c'est un peu ridicule de parler comme ça. Autrefois, on parlait toujours des cinq parties du monde. C'était les cinq grands continents. Mais tout le monde comprend ce que cela veut dire. Enfin, on comprenait dans le temps. On n'entend pas très souvent cette expression aujourd'hui. Mais autrefois, les enfants, les petits-enfants en primaire, ils apprenaient les cinq parties du monde. C'est une façon de parler. Et puis, nous aussi, n'est-ce pas, le soleil n'est pas... Oui, il n'était pas levé quand on est venu ce matin, il y avait trop de brouillard. Mais maintenant, le soleil s'est levé. Le soleil ne s'est pas du tout levé, c'est la Terre qui est tournée. Un point, c'est tout. Mais ça, c'est le langage. Et alors, nous devons faire attention d'accuser faussement la parole de Dieu de ces choses. Ce sont des arguments qu'on entend, et nous devons être prêts à parler contre des personnes et leurs arguments qui parlent comme cela, parce que ça détruit l'autorité de la Bible. C'est ce qu'on appelle apologétique, et je pense que déjà Bernard Schmag et Guy Leduc ont traité un peu, peut-être ils se sont servis de ce terme, apologétique, la défense de la Bible. En même temps, je crois qu'il faut dire ceci, c'est que il faut bien comprendre la façon dont le Seigneur parle dans la Bible. Et bien comprendre dans la Bible, ne vous choquez pas, ne soyez pas choqués par ce que je dis maintenant, ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. C'est ce que je raconte. Enfin, le frère, il commence à dérailler dans sa vieillesse. Non! Mais il y a des choses dans la Bible, c'est simplement un rapport. Un rapport, nous avons des paroles dans la Bible, c'est bien rapporté, ce rapport est inspiré, mais ce que la personne a dit n'était pas inspiré. Je vous donne un exemple, le livre de Job. Ces personnes, n'est-ce pas, les consolateurs de Job, quelquefois ils disaient n'importe quoi au sujet de Job. Et finalement, le Seigneur était fâché avec eux. Mais ce qu'ils racontaient, quelquefois des mensonges au sujet de Job, n'était pas vrai. Mais le rapport que nous avons dans le livre de Job est vrai, et nous pouvons dire que c'est un livre inspiré. Mais tout ce qui est raconté de la bouche de ces trois hommes n'était pas selon la vérité. Et puis il y a aussi des figures de rhétorique. Je n'ai noté autre chose, n'est-ce pas? Il faut se rappeler, quand on lit la Bible et quand on veut la comprendre, que la révélation de Dieu est progressive. Nous pouvons trouver, par exemple, des traces de la doctrine de la Trinité dans le premier chapitre de la Genèse. Mais nous n'avons pas, dans l'Ancien Testament, un enseignement net et clair concernant Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu dans le premier chapitre de la Genèse, parce que c'est répété continuellement, et Dieu dit, et Dieu dit. Et il a tout créé par sa parole. La parole, c'est Jésus. Et nous lisons au sujet du Saint-Esprit qui était au-dessus des eaux quand la terre n'était pas encore formée. Et bon, nous lisons, ah, il est là le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas la doctrine du Saint-Esprit telle que Jésus l'a donnée dans l'évangile de Jean. Alors, il faut se rappeler de cela. Et puis aussi, il y a des paroles historiques qui sont données dans un certain ordre chronologique et dans un contexte historique. Je ne sais pas si j'ai complètement raison en disant ceci, mais en lisant le Coran, par exemple, il me semble qu'il n'y a pas de contexte, un contexte historique, par exemple. Comment expliquer ça? Ils prennent la parole telle qu'elle est, comme si elle était toujours pour les musulmans aujourd'hui. Alors qu'on ne peut pas faire ça dans la Bible. Par exemple, quand nous lisons au sujet des guerres d'Israël, on va lire ça dans l'Ancien Testament. Mais, j'allais dire, automatiquement, on comprend que nous ne devons pas livrer guerre contre nos ennemis, comme faisaient les Israélites. Il y a un contexte, quand on vient au Nouveau Testament et on entend les paroles de Jésus, « Mes disciples m'auraient combattu pour moi pour que je ne te sois pas livré », il dit cela à Ponce Pilate, Jésus, on se rend compte que non, la guerre est terminée, en quelque sorte. On ne va pas se battre, on ne va pas brûler les hérétiques, par exemple. N'est-ce pas? C'est impossible quand on s'appuie sur le Nouveau Testament. Il a aussi dans la Bible ce qu'on appelle les genres littéraires, la façon de parler. Il y a des poésies, mais il y a des histoires, il y a de l'histoire, il y a des lois, et c'est un langage législatif en quelque sorte quand on lit la loi de Moïse, enfin certaines parties de la loi de Moïse. Et quand on vient dans les visions de Daniel, ou les visions de l'Apocalypse, ou encore de Zacharie, les prophéties, c'est encore une autre façon de présenter la vérité, par des images, par des fresques. Et nous devons faire attention que nous comprenions bien ces choses-là. Alors, quand on lit la Bible et quand on le comprend, quand on l'interprète, nous devons faire attention de le faire comme il faut. J'arrive à ma conclusion. La Bible inspirée, inhérente, correctement interprétée, mais il y a un autre terme, il y a trois termes là, n'est-ce pas, qui commencent avec la lettre I, inspirée, inhérente, interprétée. Et puis le quatrième mot, c'est illumination. Ça ne veut pas dire qu'on est des illuminés, hein. Mais illumination, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole et qui nous parle par la parole et qui nous dit des choses. Et je sais que souvent on dit, mais il faut être chrétien pour comprendre la parole. Il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Oui et non. Oui et non. Ce qui affiche la parole de Dieu sur des placards, sur des posters, ça peut servir. Ça peut parler à quelqu'un qui est vraiment mort dans le péché. Et dans ses iniquités. Il n'a pas la vie, mais Dieu parle par sa parole. Mais Dieu parle à nous, les chrétiens, surtout par sa parole. Et il y a ce témoignage intérieur. Nous lisons la Bible et nous disons, ça vient de mon Seigneur. Ça vient de mon Père. Je ne sais pas si vous avez lu les livres dont Bernard Schmag a parlé quand il était ici, les livres apocryphes. Ben, vous pouvez les lire. Vous trouverez de bonnes paroles. Peut-être une inspiration humaine pour certaines choses. Mais ce n'est pas l'inspiration divine. Et ça, on le sent. D'ailleurs, il y a un auteur qui le dit. C'est... Nous avons cela dans le deuxième livre des Maccabées, ça vaut la peine de le lire dans une Bible catholique, par exemple, vous trouverez les Maccabées. Et puis l'auteur, il dit à la fin, voilà, j'ai terminé mon récit. J'ai terminé mon récit, je ne sais pas comment vous allez le trouver, je paraphrase un petit peu. Si vous le trouvez bien, je suis content, c'est intéressant. Mais si vous le trouvez plutôt médiocre, c'est tout ce que j'ai pu faire. Il est honnête. Moi, j'aime cette parole. Il reconnaît qu'il n'est pas inspiré. Et malgré cela, n'est-ce pas, l'Église catholique accepte les autres livres qu'on appelle apocryphes ou deutérocanoniques, mais ça c'est un peu un faux nom, deutérocanoniques. Mais ils les acceptent, mais ils ne comprennent pas. Bien là, je dirais, quand dans le Concile de Trente, au XVIe siècle, ils ont décidé d'inclure cela dans la Bible et de dire que si on ne les acceptait pas, alors on était anathème, une personne qui n'acceptait pas les livres apocryphes était condamnée, était maudite, anathème. Alors, ces gens-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Je le dis comme ça. On ne peut pas arriver à cette conclusion. Oh, je pourrais en parler encore, n'est-ce pas? J'ai encore quelques paroles, mais je ne vais pas peut-être aller trop loin. Je voudrais terminer en disant que ce qui est important, je vais venir à mon... J'ai déjà expliqué ça, c'est un résumé, hein, je vais couvrir ça. Autrement, la conclusion est ici, et c'est important pour nous. Voilà, la conclusion, la Bible, inspirée, inhérente, correctement comprise, est là pour nous, elle est l'autorité pour le chrétien. C'est la parole qui est l'autorité, ce n'est pas ma prédication. Bon, j'essaie d'expliquer des choses, c'est tout ce que j'ai pu faire. Je dis comme ça, n'est-ce pas? Il n'a pas une parole inspirée comme cela. Mais c'est la parole de Dieu qui est là et correctement comprise. Elle est là pour ce qu'on doit croire, la doctrine. Et aussi pour ce qu'on doit faire, sa vie. Elle est notre autorité dans notre vie personnelle, pour ce que nous devons faire. Et comment nous devons plaire au Seigneur. Mais aussi la doctrine. Tout en reconnaissant qu'il y a des doctrines fondamentales qu'on est obligé d'accepter et des doctrines secondaires. Il y a des doctrines secondaires et nous devons le reconnaître. D'ailleurs, je viens d'écrire un petit article à ce sujet qui est parti en Suisse, concernant, non, je ne l'ai pas encore envoyé, concernant la controverse dans les églises. Il peut y avoir des personnes qui ont une idée et puis d'autres qui ont une idée, et ce sont des choses secondaires. Et comment gérer ces choses secondaires? Je prends un exemple, le retour du Seigneur. Il y a plusieurs pensées. Il y en a qui l'attendent du jour au lendemain, d'autres qui disent, eh ben oui, il y a certaines choses qui doivent être accomplies avant qu'il ne vienne, et puis d'autres qui disent, eh ben quand il viendra, il va régner sur la terre pendant 1000 ans, c'est ce que je crois, hein, ne vous en faites pas. Mais il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui ne croient pas du tout à cela. Et je dois dire que j'ai connu, et je connais encore, pas mal de frères qui ne pensent pas que le Seigneur va régner sur la terre. Excusez-moi. J'estime que c'est une affaire secondaire. Je les écoute, à condition qu'ils m'écoutent aussi, hein, gentiment. Et puis on partage. Et il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Quelque chose, moi je pense à un frère que vous ne connaissez pas, et on discute, quelquefois assez dur, mais c'est toujours édifiant. Enfin, moi, je le trouve édifiant. J'espère que c'est pareil pour lui. Et ça nous fait du bien. Mais à côté de cela, ce que nous avons dans nos confessions de foi, eh bien, c'est quelque chose... Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose être ferme. Non, je pointe la colonne. La colonne ici, c'est pas... un amour brûlant, une foi ferme, une espérance vivante. Oui, mais le milieu, n'est-ce pas? Une foi ferme. Une foi ferme sur la parole. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un marteau, c'est le... L'enclume. Oui, l'enclume. L'enclume, en quelque sorte, c'est cette parole. Et nous sommes basés là-dessus. Nous avons des fondations et on ne va pas les lâcher. Mais l'essentiel aussi, à part la doctrine, parce qu'on peut pinailler sur la doctrine, et puis quelquefois ce n'est pas édifiant, mais c'est pour notre vie. C'est l'autorité. C'est notre code de la route. Nous sommes en route. Nous sommes en route vers le ciel. Nous allons y arriver. Et dernièrement, notre sœur Sophie est arrivée. Elle est partie. Elle est là-haut. Ben, nous allons bientôt, enfin pour certains d'entre nous, hein, je pense à mon frère Bill, je pense à moi-même, nous avons passé les 80 ans. Je dis quelquefois comme ça, n'est-ce pas, je suis en fin de carrière. Hein. Bientôt, on sera là-haut. Mais en attendant, il a encore de la route à faire. Et le code de la route, la carte, elle est là. Et si on a des problèmes, le Saint-Esprit est là aussi pour nous montrer sur la carte, dans la parole, comment nous devons nous conduire. Alors que nous soyons encouragés, que nous croyons de tout notre cœur à cette parole inspirée et inhérente, que nous puissions bien le comprendre, bien l'interpréter. Merci Seigneur pour l'illumination du Saint-Esprit et c'est ainsi que nous continuons notre route vers le ciel. Amen. Y a-t-il, constamment, chaque année, ou en tout cas très régulièrement, de nouvelles traductions de la Bible? Est-ce qu'on comprend mieux les textes aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'il y a un nouveau texte hébreu ou grec? Pierre. J'essaie d'apprécier toutes les nouvelles traductions qui paraissent, parce qu'il y en a tant, hein, tous les ans, comme tu dis, mais je pense que le désir de ceux qui traduisent, et quelque chose d'intéressant. Ils veulent que la parole de Dieu soit comprise par tout le monde, et surtout par les jeunes. Il y a quelques années, n'est-ce pas, on appelait ça la Bible vivante, the Living Bible, n'est-ce pas? Et alors, ça a eu sa place, je crois. Je ne sais pas si on l'a traduit en français. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, on l'a donné à la tante de ma femme. Et puis, quand elle est venue au Seigneur, elle avait déjà 80 ans, enfin à peu près, elle a dit, eh bien, moi, je lis ça, le Living Bible, la Bible, parce que je le comprends. Elle l'a lu rapidement pour avoir une idée globale de toute la Bible. Et alors, je pense qu'elle a bien fait. Dernièrement, il y a encore quelque chose qui est sorti, enfin, au moins en langue anglaise, on appelle ça le message. Et c'est vraiment paraphrasé. Je pense que pour certains jeunes, ça peut les aider. Mais, je dirais, pour nous chrétiens, si on reste dans la Bible française courant, etc., ces autres versions modernes, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je tiens à la Bible seconde, la Colombe. Parce qu'il y a des notes en bas qui disent assez régulièrement au sujet des mots difficiles à traduire, littéralement, ça veut dire ça. Et quand on lit ce qui est littéralement, ben on ne le comprend pas très bien. Mais enfin, c'est là. Et c'est comme une barrière de façon que nous qui expliquons la parole de Dieu, nous ne disons pas de bêtises. Hein, nous n'imaginons pas telle et telle chose. Et ça nous tient, c'est un garde-fou, en quelque sorte, d'avoir une bonne traduction. Le semeur, ça se lit plus facilement. Si je l'avais lu ce matin, Jérémie 36, peut-être ça aurait été plus facile. Mais enfin, c'est ma Bible, vous savez, hein. Quand on a sa Bible, on y tient. Et je crois que c'est bon d'avoir, d'être sûr de sa Bible. Je regrette un petit peu que tant de personnes lisent la Bible du semeur. Parce que c'est un peu comme le français courant, c'est un peu paraphrasé. Mais enfin, il a sa place. Elle a sa place. Je peux dire un petit peu ça, parce que je sais. Il y a aussi quand même l'évolution de la langue. Il y a des traductions qu'il faut réviser, parce que la langue a évolué. Preuve en est, le second, la vieille second, tu l'as dit aujourd'hui, et tu as des surprises. parce qu'il te parle de la charité, mais en français, à quelqu'un, la charité ne veut rien dire, sinon tendre la main et dire la charité, s'il te plaît. La charité, c'est l'amour, c'est agapé. Donc, il faut traduire un mot d'aujourd'hui. Récemment, quand je lisais sur un site, ils ont utilisé la Bible, l'ancienne seconde, et on lit que Judas baisa Jésus. Aujourd'hui, baiser quelqu'un, c'est devenu dans un langage d'aujourd'hui assez cru, et ça ne veut pas dire de faire la bise, tu vois, embrasser. Donc là, on ne dirait plus baisa Jésus, on dira il embrassa Jésus, tu vois. Alors, on est obligé aussi de faire ça, mais ce n'est pas seulement ça qui fait qu'il y a de nouvelles traductions, mais c'est une des raisons complémentaires. Je peux dire encore ceci, c'est qu'à partir du XVIe siècle, où on traduisait la Bible dans les langues nationales, continuellement, il y avait des révisions. Pour ce qui concerne la France, c'était la Bible de l'Évêtan, en 1535, qui est sortie, une bonne Bible. Elle était révisée un peu plus tard par Jean Calvin, et puis ensuite par Théodore de Bèze. Et c'était parce que la langue française, à ce moment-là, évoluait très rapidement. Donc, les frères, les chrétiens, ils ont dit, eh ben, il faut quand même une parole qui soit comprise. En Angleterre, il y en a qui tiennent absolument la version autorisée. Et ils ne veulent pas bouger. En Amérique aussi, pareil. Enfin, hein. Et je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Mais quelquefois, quand ils sont au culte, ils ont tous la version autorisée. Oui, ben ça va. On ne va pas se disputer pour ça. Mais quand on va évangéliser dans la rue, on a besoin de dire les choses autrement. Autre question ? Certaines personnes disent que quand dans la Bible on voit l'expression « et Dieu dit », ça voulait dire que ces gens avaient entendu la parole de Dieu, mot pour mot. Je dirais, on ne sait pas, peut-être ils ont entendu quelque chose, n'est-ce pas ? Il y a des versets qui, quelquefois, le Seigneur dit, tu entendras une voix derrière toi qui dit, voilà le chemin, marche-y. Bon, mais pas nécessairement. Moi, je vois, je n'ai pas parlé de cela, n'est-ce pas, mais c'est l'auteur qui s'exprime lui-même à travers de ce qu'il écrit. Par exemple, vous lirez l'évangile de Jean après avoir lu les trois autres évangiles et vous direz tout de suite, mais Jean, il parle d'autre chose. Est-ce que Jésus a parlé comme Jean a écrit ou comme Matthieu a écrit ? Jean, il avait son vocabulaire. Il faudra aussi une chose, n'est-ce pas, se rappeler que quand on a un discours de Jésus, par exemple dans l'évangile de Jean, c'est quand même un résumé de ce que Jésus a dit. Quand Pierre parlait le jour de la Pentecôte, je pense qu'il a parlé pour plus que 5 minutes. Vous lirez chapitre 2, n'est-ce pas, j'ai vite terminé. Mais Luc, inspiré par le Saint-Esprit, on a fait un résumé. C'est ce résumé, il est inspiré. Et nous l'acceptons. On dit, par exemple, que Matthieu, l'évangile de Matthieu, était d'abord écrit en araméen. Mais nous n'avons que la traduction grecque. Et nous croyons que c'est cette traduction, la langue grecque, la première fois que c'était écrit en grec, qui est inspirée. Ça a dû faire drôle pour les auteurs qui ont entendu ou compris les prophéties qui eux-mêmes ne comprenaient pas du tout. Exactement. Attends, je vais répéter. Oui. Donc, ça a dû faire drôle pour les gens, les auteurs, les qui ont entendu des prophéties qu'ils ne pouvaient pas comprendre eux-mêmes. Oui. Moi, je parle de cette prophétie dans l'Ancien Testament concernant le Messie qui devait venir. Esaïe a écrit ça, n'est-ce pas, quand il voyait Esaïe 53, mais de quoi, de qui s'agit-il ? Il devait réfléchir. L'Éthiopien, dans le désert, il disait, mais je ne comprends rien. Hein ? De qui il parle ? Le prophète, lui-même, ou quelqu'un d'autre ? Évidemment, c'était la porte ouverte pour Philippe de l'évangéliser, hein, à 100%. Avec la tête à la fin.